football. Looking for someone, something. Medifar? Medifar? Yes. Just a minute. Looking for a drum. C'est quoi ça? Guitar, piano, piano, piano, distorsion, voice crack. Oh, y'a pas de batterie. Qu'est-ce que c'est ce bon. Thank you. Try. Comment ça marche? Merde, ça marche pas, putain. Sorry. Comment on fait pour enlever cette merde? Remove. Hop. Mm-hmm.